bali passe, bongo passe, mi bali passe, bongo passe, mi bali passe, bongo passe, mi bali passe, bongo passe, mi bali passe. Esa cuna,